Luc chapitre 20. Et il arriva un de ces jours-là, comme il enseignait le peuple dans le temple, et qu'il évangélisait, que les principaux sacrificateurs, et les scribes survinrent avec les anciens. Et ils lui parlèrent, en disant, « Dis-nous, par quelle autorité tu fais ces choses, ou, qui est celui qui t'a donné cette autorité ?» Et Jésus répondant, leur dit, « Je vous interrogerai aussi sur un article, et répondez-moi. Le baptême de Jean était-il du ciel, ou des hommes ?» Or ils disputaient entre eux, disant, « Si nous disons, du ciel, il dira, pourquoi donc ne l'avez-vous point cru ? Et si nous disons, des hommes, tout le peuple nous lapidera, car ils sont persuadés que Jean était un prophète. » C'est pourquoi ils répondirent, qu'ils ne savaient d'où il était. Et Jésus leur dit, « Je ne vous dirai point aussi, par quelle autorité je fais ces choses. » Alors il se mit à dire au peuple cette parabole, « Un homme planta une vigne, et la loua à des vignerons, et fut longtemps dehors. Et dans la saison du fruit, il envoya un serviteur vers les vignerons, afin qu'ils lui donnassent du fruit de la vigne, mais les vignerons l'ayant battu, le renvoyèrent à vide. Il leur envoya encore un autre serviteur, mais ils le battirent aussi, et après l'avoir traité indignement, ils le renvoyèrent à vide. Il en envoya encore un troisième, mais ils le blessèrent aussi, et le jetèrent dehors. Alors le seigneur de la vigne dit, « Que ferai-je ? J'y enverrai mon fils, le bien-aimé, peut-être que quand ils le verront, ils le respecteront. » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux, en disant, « Celui-ci est l'héritier, venez, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Et ils le jetèrent hors de la vigne, et le tuèrent. Que leur fera donc le maître de la vigne ? Il viendra, et fera périr ces vignerons-là, et il donnera la vigne à d'autres. Ceux qui l'ayant entendu, ils dirent, « À Dieu ne plaise. » Alors il les regarda, et dit, « Que veut donc dire ce qui est écrit, la pierre que ceux qui bâtissent ont rejetée, est devenue la maîtresse pierre du coin ? Quiconque tombera sur cette pierre, sera brisé, et elle écrasera celui sur qui elle tombera. » Les principaux sacrificateurs, et les scribes cherchèrent dans ce même instant à mettre les mains sur lui, car ils connurent bien qu'il avait, dit cette parabole contre eux, mais ils craignirent le peuple. Et l'observant, ils envoyèrent des gens concertés, qui contre eux faisaient les gens de bien, pour le surprendre en parole, afin de le livrer à la domination et à la puissance du gouverneur. Lesquels l'interrogèrent, en disant, « Maître, nous savons que tu parles et que tu enseignes conformément à la justice, et que tu ne regardes point à l'apparence des personnes, mais que tu enseignes la voie de Dieu en vérité. Nous est-il permis de payer le tribut à César, ou non ?» Mais lui, ayant aperçu leur ruse, leur dit, « Pourquoi me tentez-vous ? Montrez-moi un denier, de qui a-t-il l'image et l'inscription ?» Ils lui répondirent, « De César. » Et il leur dit, « Rendez donc à César les choses qui sont à César, et à Dieu les choses qui sont à Dieu. » Ainsi ils ne purent rien trouver à redire dans ses paroles, en présence du peuple, mais tout étonnés de sa réponse, ils se turent. Alors quelques-uns des Sadducéens, qui nient formellement la résurrection, s'approchèrent, et l'interrogèrent, disant, « Maître, Moïse nous a laissé par écrit, que si le frère de quelqu'un est mort ayant une femme, et qu'il soit mort sans enfant, son frère prenne sa femme, et qu'il suscite des enfants à son frère. Or il y eut sept frères, dont l'aîné prit une femme, et mourut sans enfant. Et le second la prit, et mourut aussi sans enfant. Puis le troisième la prit, et de même tous les sept, et ils moururent sans avoir laissé des enfants. Et après tout la femme aussi mourut. Duquel de donc sera-t-elle femme en la résurrection, car les sept l'ont eu pour femme ? Et Jésus répondant, leur dit, les enfants de ce siècle prennent et sont pris en mariage. Mais ceux qui seront faits dignes d'obtenir ce siècle-là, et la résurrection des morts, ne prendront ni ne seront pris en mariage. Car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Or que les morts ressuscitent, Moïse même l'a montré auprès du buisson, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Or il n'est point le Dieu des morts, mais des vivants, car tous vivent en lui. Et quelques-uns des scribes, prenant la parole, dirent, « Maître, tu as bien dit. » Et ils ne l'osèrent plus interroger sur rien. Mais lui leur dit, « Comment dit-on que le Christ est fils de David? Car David lui-même dit, au livre des psaumes, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. » Puis donc que David l'appelle son Seigneur, comment, est-il son fils? Et comme tout le peuple écoutait, il dit à ses disciples, « Donnez-vous garde des scribes, qui se plaisent à se promener en robe longue, et qui aiment les salutations dans les marchés, et les premières chaires dans les synagogues, et les premières places dans les festins, et qui dévorent entièrement les maisons des veuves, même sous prétexte de faire de longues prières, car ils en recevront une plus grande condamnation. »